Morissette par André Thuriet. Chapitre 1er. Les formidables éruptions de la montagne Pelée, qui viennent de transformer en un nid de cimetière de cendres cette verdoyante ville de Saint-Pierre, qu'on appelait la reine de la Martinique, n'ont pas seulement endolori mon cœur d'homme et de français. La catastrophe, ainsi qu'un écroulement inattendu, a remué et soulevé dans ma mémoire un nuage de subtile poussière du temps passé. Elle a évoqué les lointains souvenirs d'une époque où, à mes yeux d'enfant, la Martinique apparaissait comme un fabuleux et merveilleux paradis. En ce temps-là, on parlait souvent à la maison de cette colonie, alors très prospère, où plusieurs membres de ma famille avaient vécu à la fin du XVIIIe siècle. Un galetas perché sous les toits contenait, relégué au fond de poudreuses armoires, tout un fouillis d'objets exotiques rapportés jadis par un grand-oncle qui avait été aux îles. Coquillages énormes, dentelés au dehors, rosés nacrés à l'intérieur, qui vous donnaient l'impression du bruit de la mer lorsqu'on les appliquait à son oreille. Squelettes grimaçants de poissons ventrus hérissés comme des porcs épiques. Carquois de Caraïbes, bizarrement décorés et pleins de flèches empoisonnées, qu'on ne touchait qu'avec un frisson de terreur. Je passais des matinées entières dans ce grenier où le soleil, filtrant à travers les vitres irisées d'une lucarne, dardait d'obliques rayons parmi lesquels dansaient des atomes dorés. On y avait entassé des meubles démodés et éclopés, d'antiques tapisseries rongées par les mythes, des caisses remplies de vieux livres et deux ou trois portraits de familles à demi effacées qui me souriaient derrière leurs verres brisés. Je feuilletais les bouquins choisis au hasard, assis dans un fauteuil chancelant. J'y lisais en cachette pour les Virginie et je tressaillais au moindre craquement funèbre des meubles qui semblaient céder sous la pression d'un spectre caché dans leur mystérieuse profondeur. Parfois, j'interrompais ma lecture pour palper les coquillages de la mer du Sud. Je frôlais du doigt les flèches caraïbes et les yeux à demi-clos, suggestionnés par ces reliques qu'un ancêtre inconnu avait rapportées des Antilles. Je me forgeais des visions de créoles, se balançant nonchalamment dans un hamac sous la véranda de leur habitation, tandis que les nègres travaillaient en chantant parmi les plantations de café. Au nombre des portraits de jadis, oubliés dans ce grenier et négligemment accrochés au mur, se trouvait un pastel détérioré par le soleil des étés et par l'humidité des hivers, qui s'étaient succédés depuis le temps lointain où il avait été achevé. Le souffle des années en avait par place éteint les nuances attendries et juché au-dessus d'un amoncellement de cahiers de musique copiés à la main. Il apparaissait comme un lamentable papillon aux ailes décolorées et froissées par des doigts d'enfant. Néanmoins, en dépit de cet état de dégradation, il conservait pour moi un charme secret et tout en rêvant au paysage des Antilles, je le regardais souvent aux heures claires du matin. Il représentait une jeune fille de 16 ans, vue jusqu'à mi-corps. Elle était vêtue à la mode des dernières années de l'Empire. Un fourreau d'étoffe bleue très échancré et au collet rabattu laissait voir la naissance de la gorge très blanche. Une épingle en forme d'anneau en retenait les plis, et une cordelière bleue et rose ceignait la taille un peu au-dessous des seins. La coiffure était formée de rubans de gaze rose et de chenilles noires passés entre d'épais cheveux châtains dont les boucles retombaient sur le front. Les yeux bleus riaient sous de minces sourcils, le nez un peu gros et épaté avait des retroussis mutins, et les lèvres charnues souriaient comme les yeux. L'ensemble des traits manquait de régularité, mais il y avait dans ce minois chiffonné un épanouissement de jeunesse qui faisait plaisir. Un jour, ma mère me surprit en contemplation devant ce pastel au cadre dédoré. « Ah ah !» murmura-t-elle. « Tu regardes le portrait de Mimi ?»« Qu'est-ce que cette Mimi » demandai-je. « C'était la petite fille de l'oncle des Roches et par conséquent ta petite cousine. Et qu'est-elle devenue ?»« Oh, elle est bien loin d'ici. Quand elle avait 20 ans, elle est partie pour l'île de la Martinique, où elle devait recueillir un héritage qui lui venait du frère de son père. Et depuis, elle n'a guère donné de ses nouvelles. » Elle est toujours là-bas, il paraît qu'elle s'y est mariée. Ce fut tout ce que je sus alors de Mimi Desroches, et cela suffit cependant pour que le pastel acquit désormais pour moi un charme plus séduisant et un intérêt plus vif, parce qu'il se raccordait plus étroitement à mes rêveries favorites, à mes vagabondages exotiques, et à l'attrait mystérieux qu'exerçaient sur mon imagination les lointaines merveilles de l'archipel des Antilles. J'associais fraternellement le portrait de Mimi avec mes autres reliques préférées, les coquillages ovales de nacre rose et les terribles flèches des Caraïbes. Maintenant, la jeune figure souriante animait chacun des paysages indiens que me suggéraient les bibelots rapportés des îles par le grand ongle des roches. Je la voyais passer parmi les bois de manguiers, de cocotiers, à demi couchée sur un palanquin porté par des nègres, ou bien assise sur la véranda aux piliers enguirlandés de banni et dégustant avec une cuillère d'or d'exquises confitures de goyave. J'étais fier d'avoir une cousine qui vivait aux îles, et je me sentais grandi de plusieurs coudées depuis que je connaissais mes liens de parenté avec cette jeune femme du pastel, qui possédait là-bas des plantations de canne à sucre et se faisait servir par des nègres. Des années s'écoulèrent, j'entrai au collège, et peu à peu, d'autres distractions et d'autres préoccupations intervenant, mes visites au vieux meuble du grenier se firent plus rares. Je courais sur mes 15 ans, et j'avais maintenant une tocade pour l'histoire naturelle. Les herborisations en forêt, la chasse aux papillons remplaçant d'une façon plus positive mes rêves de voyage aux Antilles. En même temps, je devenais plus sensible aux grâces féminines et les mines déjà provocantes des petites apprenties qui fréquentaient les ateliers du voisinage m'avaient fait oublier le charme un peu fané du pastel relégué au fond de notre grenier. Un soir de la fin de mars, dans la salle à manger qui me servait de cabinet de travail, j'étais fort affairé à traduire les 20 premiers vers de l'épisode du pasteur Aristée. Au coin du feu, ma grand-mère tricotait en attendant l'heure du souper, et le léger cliquetis des aiguilles se mêlait au froissement des pages de mon dictionnaire, laborieusement feuilleté. J'en étais à « Tristis ad extremis sacrum caput adistit » quand la porte livra passage à ma mère, qui revenait d'une tournée de visite. Elle paraissait plus excitée qu'à l'ordinaire, et avant même d'avoir ôté son chapeau, elle s'écria « J'ai une nouvelle à t'apprendre. Tout à fait une surprise. Devine. » Tu sais, répondit mon aïeul, en piquant une de ses aiguilles dans son tour de cheveux gris, je ne suis pas bonne devineuse. Et d'avance, je jette ma langue au chien. Dis-moi tout de suite de quoi il retourne. Eh bien, Mimi est revenue. Hein? Mimi des Roches? Parfaitement. Elle s'appelle maintenant Madame Robin des Roches. Elle s'est bel et bien mariée là-bas, ainsi que le bruit en avait couru. C'est la cousine Jolie qui m'a conté la chose. Elle la tenait du propriétaire de l'hôtel du Cygne, où ils sont descendus avec tout leur personnel, car ils mènent grand train. Il faut croire qu'elle est devenue riche. Elle ne jouissait que d'une très petite aisance quand elle est partie. D'après Léon dit, elle aurait fait à Saint-Pierre un bel héritage. Même, on ajoute, car les langues jasent déjà, que cette grosse fortune lui viendrait d'un planteur dont elle aurait été la bonne amie dans son jeune temps. Mais il y a partout des gens envieux. Et il ne faut croire qu'un demi-quart de ce qu'on raconte. Naturellement, approuva la grand-mère, n'importe. Ce qui me choque dans cette histoire, c'est que nous soyons informés du retour de Mimi par des étrangers. Car enfin, elle est ma cousine Germaine. Et sa première visite devait être pour moi. Songe qu'elle n'est arrivée que d'hier. Elle viendra certainement nous voir, dès qu'elle sera remise de ses fatigues, et nous saurons à quoi nous en tenir sur ce qu'il y a de vrai ou de faux dans les commérages de la ville. Ma mère avait raison. À une semaine de là, un dimanche après-midi, nous étions réunis au salon où l'on allumait du feu et où l'on ne se tenait que les jours fériés. Les deux dames jouaient à la brisque et moi, vautré sur un canapé, j'étais plongé dans la lecture des 3 mousquetaires. Nous entendîmes au dehors le bruit d'une voiture à 2 chevaux qui s'arrêtait à notre porte. Les visites en équipage étaient si insolites dans notre petite ville que le fracas des roues sur le pavé nous arracha tous 3 à nos occupations. Je me précipitai vers la fenêtre et j'aperçus un couple inconnu qui descendait d'un landau fermé. « Ce doit être Mimi, » dit ma mère en ravitaillant le feu qui se mourait. C'était Mimi, en effet, et quelques instants après, Scolastique, notre bonne à tout faire, introduisait les 2 visiteurs en annonçant « Monsieur et Madame Robin des Roches. » Le couple à peine entré, la dame, se débarrassant d'une pelisse de fourrure qui l'enveloppait, se précipita vers ma mère et mon aïeul, qui l'accueillirent avec force embrassade, tandis que je restais debout, à l'écart, les yeux écarquillés et dévisageant les nouveaux venus. Ce qui me frappa tout d'abord, ce fut la toilette de Mimi des Roches. Bien qu'il fît encore très frisquet en ce commencement d'avril, elle avait une robe de mousseline blanche et on grelottait à la voir si légèrement vêtue par ce temps de froid giboulé. Elle était grande, avec un peu d'embonpoint, les cheveux tout frisés sous un chapeau Pamela qui paraissait trop jeune pour son âge, car elle portait au moins 45 ans. Son visage couperosé gardait encore quelques charmes, grâce à 2 yeux bleus très vifs et à une jolie bouche. Ses bras nus jusqu'au coude étaient chargés de bracelets et une chaîne d'or enroulée autour de son cou retombait lourdement sur son corsage. M. Robin des Roches, petit, trapu et robuste, avait un teint olivâtre, des cheveux noirs crépus, une courte moustache, et donnait l'impression d'un mulâtre. Sa physionomie flegmatique et somnolente n'était animée que par des yeux bruns très mobiles, et il semblait mal à l'aise dans sa redingote serrée à la taille. Après les premières effusions, Madame Robin des Roches le présenta. Il salua gauchement, puis ils s'assirent tous deux, et la conversation devint très animée. « Que je suis heureuse de vous revoir, mes chères cousines, après tant d'années !» zézayait Mimi. « Nous revenez-vous au moins pour quelque temps ?» demanda ma mère. « Pour toujours, ma bonne. Mon mari a cédé à mon désir de retourner au pays. Nous nous installons en ce moment à la gélinière que nous avons achetée. »« Vous avez acheté la gélinière ?» s'écria mon aïeul avec une admiration mêlée d'un peu de jalousie. « Peste ! Cela a dû vous coûter bon ?»« Oui, assez !» murmura M. de Robin des Roches en se réveillant de sa somnolence. « La propriété est, dit-on, très belle. »« Elle nous a plu, » repartit Mimi. « Il y a un grand parc, des eaux vives, des fleurs, et la maison est confortable. Nous sommes en train de l'ameubler, car nous nous proposons d'y recevoir et d'y donner des fêtes. Je compte bien, cousine, que vous viendrez nous voir souvent. » À ce moment, elle m'aperçut et se tournant vers ma mère. « C'est à vous, ce grand garçon-là ? » ?»« Oui, ma cousine, c'est mon fils. Et vous, avez-vous des enfants ?»« Hélas, non, » soupira Mimi. « Le ciel nous a refusé ce bonheur. Aussi nous avons adopté une petite négrillonne, née dans notre plantation. Nous l'avons fait baptiser et nous l'avons prise avec nous. Le curé de ma paroisse va la préparer à sa première communion. Elle est très intelligente, vous verrez. Surtout, quand vous viendrez à la gélinière, n'oubliez pas, ma chère, d'y amener votre fils. Il s'amusera dans le parc tout à son aise. La rivière y passe et il pourra y pêcher avec Morissette. C'est le nom de ma négrillonne, n'est-ce pas ? » ajouta-t-elle en se levant et en me caressant de la main. « Vous me promettez, mon petit ami, d'accompagner vos parents ?» Je remerciai de mon mieux. La visite tirait à sa fin. Mimi s'enveloppa de sa pelisse, M. Robin des Roches salua à la muette, et sur un geste de ma mère, je les accompagnai jusqu'à leur équipage, où Madame Mimi s'enfonça lentement dans un amas de fourrure et où son mari monta à son tour, après avoir consulté une liste manuscrite et donné des adresses au cocher.